tricotait. Elle récoltait. Prévoyait. Octobre. Illustrait. Prévoyait. Observait. Jouait. Dernier chamaillé, c'est terminé. Irlalalala. Écoutez. Comptez. Jouez. Observez. Et répondez.